sur l'islamophobie pour cette année 2014. Alors, contrairement à l'année dernière, le format a un petit peu changé, c'est-à-dire que cette année, ça va se passer sur 6 séances. Entre janvier et mai, vous avez toutes les dates avec le programme des interventions, à la fois sur le blog que l'on anime sur le site d'hypothèse, islamophobie.hypothèse.org, ou bien sur le site de l'École des études en sciences sociales. Vous pouvez retrouver le séminaire avec les dates, les intervenants et les interventions. Alors, il y a une des interventions de Mayanti Fernando qui est, entre parenthèses, qui est présentée comme sous réserve. Entre-temps, elle nous a confirmé qu'elle serait présente, donc s'il n'y a pas de difficultés pour elle, pour qu'elle vienne de San Diego, ou ça est à San Diego. Je ne sais pas, en tout cas de Californie. Santa Cruz, voilà, Santa Cruz, je m'y perds. Normalement, elle sera présente pour son intervention. Alors aujourd'hui, juste une dernière information pratique. Il y a parmi vous, alors on va faire circuler un cahier de présence. Vous pourrez laisser votre nom, prénom, statut, mail. Et il y a parmi vous des étudiants qui doivent valider, qui peuvent valider, enfin l'information c'est que les étudiants peuvent valider ce séminaire, comme les années précédentes, à partir d'un travail autour de cette thématique, et il est possible pour nous aussi d'encadrer des mémoires avec d'autres, vos référents en termes d'enseignement, donc c'est une autre possibilité par rapport à ce séminaire-là, et je ne sais pas le nombre d'universités qui ont passé un accord avec l'École des hautes études, mais je sais qu'il y a d'autres institutions pour lesquelles il peut y avoir une validation. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nona Meyer, qui a eu la gentillesse d'accepter cette invitation et puis qui a pour charge d'inaugurer cette nouvelle année, en tout cas cette nouvelle session annuelle ou plutôt semestrielle, de ce séminaire consacré à la sociologie de l'islamophobie. Alors, Nona Meyer, je pense que vous la connaissez, elle est directrice de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes, docteur en sciences politiques, diplômée de l'IUP, mais également enseignante de sciences politiques à Sciences Po Paris. Tu es également directrice adjointe du département de sciences politiques. C'est fini. Donc, la formation, le site internet du CE n'est pas à jour. Donc, j'ai un petit peu d'inquiétude pour le reste des informations que je vais vous donner, mais je vais y aller quand même. Présidente de l'Association française de sciences politiques. Juste. C'est royal. Donc, l'Association française de sciences politiques, qui est le principal réseau national des politistes en France, la principale société savante de sciences politiques. Tu diriges également la collection Contestée aux presses de sciences politiques, de presse de Sciences Po. Et au niveau de tes recherches, alors tu as traité de nombreuses thématiques, notamment la sociologie des comportements politiques, les questions de racisme et d'antisémitisme. Tu es spécialiste également de l'extrême droite et puis tu coordonnes des projets autour de la question des inégalités de la démocratie, des inégalités en démocratie. Alors, parmi tes nombreuses publications, je vais en citer une qui est quand même une référence, c'est le manuel de sociologie des comportements politiques à Armand Collin, dans la collection U. Mais également, tu écris chaque année un chapitre du rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, notamment depuis à peu près une dizaine d'années, tout ce qui relève de l'hostilité à l'islam. Donc, pour ce faire, tu exploites les enquêtes d'opinion qui sont pilotées, financées par la CNCDH. Tu les exploites avec Guy Michelat et Vincent Tibéri. Et j'imagine que c'est à partir de cette base-là, de cette base d'information, que tu vas pouvoir traiter du sujet d'aujourd'hui qui est ethnocentrisme, islamophobie et vote Front National. Alors, il faut bien savoir, pour recadrer un petit peu les choses, que la question des données, des enquêtes d'opinion de la CNCDH, c'est la première base d'information quantitative qui nous informe en France depuis maintenant 1990 sur la question de l'islamophobie, de l'hostilité à l'islam. Alors, on verra au niveau des termes qui peuvent être utilisés. Mais en tout cas, c'est un des premiers moyens qui a été mis à notre disposition pour objectiver l'islamophobie d'un point de vue non idéologique, d'un point de vue quantitatif. Voilà. Quand je dis non idéologique, c'est par rapport au discours des discours Tout à publics. fait. Voilà. Je précise On mon propos. essaye. Donc, tu as maximum une heure. Oui, trois quarts Voilà, d'heure. trois quarts d'heure, une heure. On a un peu de débat. C'est comme tu veux. Et à toi la parole. Merci beaucoup. Ben c'est moi qui te remercie, ce qui vous remercie tous les trois de m'avoir invité et pour qu'on puisse confronter un peu nos approches de l'islamophobie. Ça fait longtemps que j'avais envie qu'on le fasse. On a eu plusieurs occasions manquées parce qu'on a eu des colloques qui tombaient pile poil le même jour. Donc là, on répare cette difficulté. Alors effectivement, je vais le faire dans la perspective que tu as indiquée. C'est-à-dire, je vais plutôt. Il y a des tas de manières d'aborder l'islamophobie. Moi, je vais l'aborder en termes d'opinion, c'est-à-dire un préjugé. C'est-à-dire, je vais laisser de côté les actes et les discriminations. C'est un autre univers qui s'approche autrement. Moi, ça sera opinion et je reprends sans problème la définition que vous donnez de l'islamophobie, les attitudes et les émotions négatives et indiscriminées dirigées contre l'islam ou les musulmans. C'est dans la présentation du séminaire. Et puis, je vais travailler à partir de données de sondage, notamment ce fameux sondage de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est en fait, c'est une fonction nationale, c'est payé par les services du Premier ministre, la CNCDH n'a pas beaucoup d'argent, et tous les ans, sauf une année depuis 1990, on a effectivement un point sur racisme, antisémitisme, xénophobie, islamophobie en France. Mais je m'appuierai aussi, puisque tu m'avais demandé de parler un peu des problèmes de vote, d'élection et la dimension politique de l'islamophobie, je m'appuierai aussi un petit peu sur les sondages électoraux. Le CEVIPOF, puisque dans une autre existence, avant d'être au Centre d'études européennes, j'étais au CEVIPOF, donc on a les données du CEVIPOF, et puis celle du Centre d'études européennes. Et politique, ben on verra tout le long ce que la politique fait à l'islamophobie et ce que l'islamophobie fait à la politique et notamment au vote. Et je voudrais essayer de répondre avec vous à trois questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une spécificité des préjugés islamophobes dans l'ensemble des préjugés envers les autres, ceux qui sont différents par leur origine, leur religion, leur nationalité, leur culture. La deuxième question, est-ce qu'il y a une spécificité de l'évolution des préjugés islamophobes? Est-ce que ça évolue comme le reste du champ des préjugés? Et troisièmement, est-ce qu'il y a une relation spécifique entre les préjugés islamophobes et le vote, et en particulier le vote FN, mais pas seulement, parce qu'on ne peut pas comprendre le vote FN sans comprendre les autres votes. Donc, je voudrais apporter trois réponses. Dans la première partie, ça sera un peu la structure des préjugés, et je voudrais vous montrer qu'il y a effectivement inscription de l'islamophobie dans la sphère globale des préjugés, mais avec une autonomie relative. Deuxièmement, évolution des préjugés, oui, il y a une évolution spécifique. Il y a une véritable polarisation anti-islam et surtout depuis 2009-2010, même si ça a commencé bien avant. Et enfin, il y a un lien fort entre ethnocentrisme, islamophobie et vote FN. Et là, ce n'est pas possible de faire la différence entre islamophobie et rejet des immigrés et rejet des autres. Alors, la première partie, donc, ça sera un peu la structure des préjugés. C'est une vieille histoire, l'idée qu'il y a une structure, une cohérence entre les préjugés à l'égard des autres. Le premier a utilisé ce terme d'ethnocentrisme. C'est un sociologue, anthropologue américain qui s'appelait Sumner, qui a écrit Folkways. Et pour lui, l'idée était que chaque culture de chaque groupe humain avait tendance à être centrée sur elle-même et à voir le reste du monde à travers ses propres yeux, à travers ses propres filtres culturels. C'était son idée à lui. Adorno, ensuite, le sociologue allemand réfugié aux États-Unis et ses collègues, dans La personnalité autoritaire, en 1950, vont reprendre ce terme. Ils s'intéressent aux préjugés dans l'Amérique blanche des classes moyennes de l'après-guerre. Et il reprend à fond cette définition. Alors, Adorno, on a tendance à dire aujourd'hui que c'est un peu dépassé, que c'est une vieille lune, que la notion de personnalité autoritaire forgée depuis qu'on est tout petit dans les relations avec papa-maman, ça ne veut plus rien dire. C'est vrai. Mais si on laisse tomber la personnalité autoritaire, il y avait des intuitions fondamentales qui, elles, sont toujours vérifiées. La première, c'est qu'il y a effectivement une cohérence, et j'essaierai de vous le montrer, entre les différents types de préjugés à l'égard des autres. La tendance à valoriser son groupe, le groupe qu'on considère comme le sien, il y en a beaucoup, l'entre-soi, et la dévalorisation des autres, outgroups. Sa deuxième intuition, c'est qu'il y a un lien entre ces attitudes ethnocentristes et des attitudes hiérarchiques autoritaires, conventionnelles, chacun doit rester à sa place. Il y a le groupe dominant, ils dominent, et puis il y a les groupes dominés, ils doivent rester à leur place. Et même les minorités sexuelles sont rejetées de la même manière. Tout ce qui n'est pas conforme à la place, à la norme, à la convention d'une société donnée est infériorisé et rejeté. Et la troisième chose, et surtout dans le contexte de cette époque, de l'immédiate après-guerre, pour lui, ces attitudes autoritaires et ethnocentristes sont plus marquées à droite. Il y en a partout, mais elles augmentent au fur et à mesure qu'on se rapproche du pôle droit, de l'échiquier politique. Alors, il y a des travaux beaucoup plus récents et qui laissent tomber la sauce psy et psychanalytique, notamment Jim Sidanius, était un Africain-Américain avec Felicia Prato, et lui, il appelle ça plutôt la théorie de la dominance sociale. Et c'est peut-être plus acceptable pour nous aujourd'hui que cette notion de personnalité. Il nous dit que dans toute société, sans exception, il y a des hiérarchies entre les groupes, entre des groupes dominants et dominés. Quasiment partout, il y a l'âge et il y a le genre, les plus jeunes et les femmes étant généralement du côté des dominés. Et puis, il y a des catégories arbitraires qui varient selon la société. Et ça, ça dépend de l'ethnie, de la religion, de la nationalité, de la classe, de la caste, ça dépend des sociétés. Et il y a des mythes dans chaque société qui légitiment ces inégalités, de même qu'il y a des mythes égalitaires qui se battent contre ces positions de dominés. Et certains individus sont plus orientés que d'autres, certaines professions aussi, militaires, policières, vers la dominance sociale. Et puis, plus récemment, il y a eu plein de travaux en Europe autour de ces problèmes de préjugés ethnocentristes. Et il y en a une que je cite parce que j'y avais participé, c'était très intéressant, c'était tous des psychologues sociaux, et moi avec un de mes collègues, on était les deux seuls politistes, et on avait beaucoup de mal à faire passer la dimension politique, mais en tout cas c'est la même idée, eux ils appelaient ça « group focused enmity », c'est l'inimitié dirigée contre les groupes, sur une base inégalitaire, et ils retrouvaient exactement la même chose, ils ont commencé en Allemagne puis on l'a étendu à 8 pays. C'était Guillaume Roux qui travaillait avec moi. Et il montre qu'il y a une relation entre les préjugés à l'égard des immigrés, des homosexuels, des juifs, des musulmans, des femmes. Tout cela est très cohérent et corrélé. Donc on a bien là, dans tous ces travaux, généralement basés sur des enquêtes, une cohérence. Alors est-ce qu'on peut le vérifier en France, aujourd'hui, avec les données du sondage de la CNCDH ? C'est un sondage qui est donc, il porte sur un échantillon national représentatif d'environ 1000 personnes. C'est la population adulte résidant en France métropolitaine, pas nécessairement de nationalité française. Il y a à peu près un quart qui est issu de l'immigration diverse et qui porte tous les ans donc, sur les attitudes racistes, xénophobes, antisémites, islamophobes, anti-roms. C'est un sondage en face à face. Voilà. Alors, j'utiliserai pour vérifier qu'il y a bien une cohérence entre les préjugés à l'égard des musulmans et de l'islam et les autres préjugés, j'utiliserai la technique des échelles d'attitude. Ce n'est pas donné au départ, on cherche s'il y a des réponses qui sont très corrélées entre elles et qui ensuite sont hiérarchisées entre elles. C'est comme si on avait les marches d'un escalier. Il y a des attitudes très peu répandues dans l'échantillon. Mais ceux qui ont ce préjugé-là, ils donnent la réponse ethnocentriste à tous les autres. Donc, c'est cette structure qu'on cherche avec Guy Michelat, qui est le grand spécialiste des échelles d'attitude depuis longtemps. Donc, lui, il a fait une échelle, je vous passe les détails techniques, mais c'est une échelle qui est plus intéressante que les échelles que font les Américains. Les Américains considèrent que toutes les réponses se valent. Alors, si vous avez toute une série de questions, il faut dire « je suis tout à fait d'accord, plutôt pas du tout », ça va être 1, 2, 3, 4. Et Michelat dit non, c'est pas vrai, les réponses ne se valent pas. Dans un cas, la coupure va passer entre ceux qui sont tout à fait d'accord et tous les autres. Dans l'autre, elle va passer entre tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord et les autres. Et c'est plus intéressant parce que ça nous donne une vraie structure hiérarchique des préjugés avec ceux qui sont les plus durs, l'opinion dure, minoritaire, mais qui entraîne une réponse ethnocentriste à toutes les autres questions. Et la réponse est oui, avec les données de la CNCDH depuis aussi longtemps que je me souvienne d'avoir travaillé là-dessus, et ça fait une bonne dizaine d'années, mais là on est parti de 2009, parce que c'est là qu'on avait eu le sentiment que ça tournait un peu, après 2009. On s'aperçoit que le rejet des immigrés, des musulmans, des étrangers, des juifs, on n'a pas les Roms là-dedans, parce qu'il y a moins de questions, parce qu'on voit que c'est en train de monter le rejet des Roms. Ça existait avant, mais on avait une ou deux questions, donc on ne l'a pas mis là-dedans. Mais là, on a un ensemble de questions qui sont assez corrélées entre elles et hiérarchisées de manière à permettre de construire une échelle d'attitude, c'est-à-dire un instrument de mesure. Alors, idéalement, ça varierait entre 0, ce qui donne jamais la réponse ethnocentriste ou raciste, et 100, ce qui la donne toujours. Dans la réalité, ça s'échelonne entre les deux. Mais pour vous expliquer comment ça marche, le degré supérieur de l'échelle, et les deux sont très proches, c'est à la question « les Français musulmans sont des Français comme les autres », c'est tous ceux qui ne disent pas « je ne suis pas d'accord les seuls qui disent « je ne suis pas d'accord du tout », eux opposés à tous les autres. Ils sont très peu nombreux, hein, 7, 9, 10% selon les années. Mais ceux-là, quand ils ne sont pas d'accord du tout, ils vont donner des réponses ethnocentriques à toutes les autres. Ensuite, on a la même chose pour les Français juifs, et là, c'est plutôt pas d'accord du tout, la coupure. On a les travailleurs immigrés doivent être considérés comme chez eux, puisqu'ils contribuent à l'économie française. Il faut permettre aux musulmans de France d'exercer leur religion dans de bonnes conditions. La présence d'immigrés, etc., est une source d'enrichissement culturel. Et le degré le plus bas, parce que le plus répandu, c'est de croire que de nombreux immigrés viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale. Là, on oppose tous ceux qui ne répondent pas « je ne suis pas d'accord du tout ». Et là, vous voyez que ça vous donne des proportions de réponses très différentes. On a 10% de gens pas d'accord du tout avec l'idée que les Français musulmans sont des Français comme les autres, mais on en a 89% qui sont au moins un petit peu d'accord avec l'idée que les immigrés viennent en France essentiellement profiter de la sécu. Donc je passe un peu de temps sur la méthodologie, mais c'est important parce que tous les problèmes autour de l'islamophobie viennent souvent des définitions et des méthodes. Alors, le rejet des musulmans et de l'islam est bien corrélé avec celui des juifs, des immigrés et des étrangers. L'échelle d'ethnocentrisme est corrélée avec tous nos autres indicateurs de racisme, parce qu'on a plein de sous-dimensions, donc on a une échelle de favoritisme, ceux qui pensent que les autres sont favorisés par rapport à nous, ceux qui pensent une échelle d'anticommunautarisme, ceux qui pensent que les autres ont tendance à se regrouper. C'est corrélé négativement avec une échelle d'antiracisme. Il y a plein de questions sur une attitude activement antiraciste, tout ce qu'il faut faire pour se battre contre les préjugés. Donc il y a une grande corrélation, il y a une grande cohérence au fond dans toutes les questions de cette enquête. Et tous ces indicateurs sont corrélés avec une échelle d'autoritarisme faite à partir de 3 items. Ceux qui veulent revenir sur la peine de mort, ceux qui pensent que les tribunaux ne sont pas assez sévères et ceux qui condamnent l'homosexualité comme manière d'exercer sa sexualité. Donc, on est en plein dans les intuitions d'Adorno, ça marche. Mais pour aller plus loin, on a essayé de construire une échelle qu'on n'a pas appelée à l'époque échelle d'islamophobie. Surtout au début, quand on a commencé à poser ces questions, il y avait encore un énorme débat autour de « faut-il vraiment utiliser ce terme ?» Et puis, c'était le débat entre judéophobie et islamophobie. Il y avait, on a dit « on va appeler ça très calmement « aversion à l'islam ». Et c'était une échelle qui était faite à partir de deux types de questions. La première, on combinait deux questions. Il y avait une liste de religions. On vous demandait, pour chacun de ces termes, est-ce qu'il évoque pour vous quelque chose de très positif, d'assez positif, d'assez négatif, ou de très négatif, ou de ni positif ni négatif. Et chaque fois que la religion musulmane était perçue moins bien que la religion catholique, ça, on classait cet individu dans la catégorie anti-islam. Donc c'était juste un problème de degré. C'est de mettre la religion musulmane plus bas que la religion catholique. Et puis, ensuite, il y avait tout un tas de questions sur... on avait commencé à parler du voile. On n'en était pas encore à la burqa à ce moment-là, mais on parlait du voile. On commençait à parler des prières. Donc, selon vous, le respect des pratiques religieuses musulmanes suivantes peut-il, en France, poser problème pour vivre en société ? Le jeûne du ramadan, les prières, le sacrifice du mouton lors de l'Aït el-Kébir, le port du voile. Et ça fait, là encore, une très belle échelle d'aversion à l'islam, avec tout en haut le fait d'avoir une image dévalorisée de la religion musulmane par rapport à la religion catholique, et tout en bas, ce qui est le plus fréquent, c'est le refus du port du voile. Tous ceux qui ne répondent pas, non, pas du tout, il n'y a aucun problème. C'est pareil, c'est pas juste tout à fait d'accord, plutôt d'accord. À chaque fois, la coupure est choisie par l'ordinateur de manière à maximiser les différences et à accroître les corrélations entre les items. Donc, vous voyez que entre 2009 et 2012, tous les items de rejet des pratiques musulmanes ont augmenté. On est passé de 17 à 21 sur la religion. On est passé de 51 à 63 sur le jeûne du ramadan. Ça, c'est les pourcentages de ceux qui répondent quoi exactement ? Tout ce qui est en gras. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, plutôt. Ouais. Non, pas vraiment. Tous ceux qui n'ont pas un clair et net refus d'une telle proposition. Et c'est beaucoup plus subtil que de prendre tout à fait d'accord, plutôt d'accord, opposé à tous les autres, parce qu'on ne sait jamais où passe la coupure. Et le port du voile, c'est tous ceux qui répondent oui, tout à fait, c'est un problème, oui, plutôt. Non, pas vraiment, mais ils ne disent pas non, pas du tout. Et ça nous donne 89%. Et pour moi, c'est un instrument plus intéressant que l'échelle américaine, où on fait l'équivalence d'hypothèses que toutes les réponses sont toutes les mêmes, tout à fait d'accord, plutôt pas, pas du tout. C'est un peu compliqué, mais c'est très utile comme instrument de classement. Excusez-moi, Oui. la question sur le port du voile, la première fois qu'elle a été posée, c'était à quelle date? 2003. Et vous avez les données Ah, tout. Là, de... 2003, la Bible. Alors, attends. Non, mais c'est Pour que les gens intéressant. puissent avoir Non, non. Et c'est l'évolution. intéressant parce que là, du coup, selon vous, le respect des pratiques, gnagnagna, rappelle décembre 2003. Et c'est tout à fait fascinant parce qu'en 2003, alors là, c'est tout à fait ou plutôt d'accord, hein, il simplifie un peu les choses. On est passé de 23%, donc on ne prend pas ces coupures-là. On prend la, là, ils prennent. Mais c'est pour ça que ça, c'est plus intéressant. Mais en tout cas, déjà, si on se contente de tout à fait ou plutôt d'accord, ça pose problème. On passe de 23 à 38% entre 2003 et 2012. On n'a pas encore les données 2013. Enfin, on les a, mais on est en train de travailler dessus. Mais c'est énorme. Si on prend consommer de la viande, on avait consommé de la viande de porc ou de l'alcool. On passe de 13 à 30. Le jeûne du Ramadan de 21 à 28. Le sacrifice du mouton de 25 à 41. L'interdiction de montrer l'image du prophète Mahomet. Ça a été posé à partir de 2006. On passe de 48 à 47, ça n'a pas bougé. Ce n'est pas vraiment un problème. Le port du voile, on passe de 82 à 77. Et là, c'est l'inverse, parce qu'après la loi, il y a une relative diminution du rejet. Et le port du voile intégral, là, on passe de 88, la question est posée en 2011, à 91. 88% à 91%. Mais donc, la même question vous livre des informations très différentes selon la manière dont on additionne les réponses. C'est ça que nous apprennent les échelles d'attitude. C'est pas toujours la sommation bête et méchante n'est pas toujours très bonne. Alors maintenant, si je fais tout simplement ma première échelle d'ethnocentrisme, dont j'enlève tous les items qui ont trait aux musulmans et à l'islam, et cette échelle d'aversion à l'islam, pour vérifier. Il y a une forte corrélation de 0,50. Donc il y a bien, même quand on fait des sous-échelles très très très spécifiques, la première échelle devient une échelle anti-immigré, anti-étranger, la deuxième échelle est une échelle d'aversion à l'islam, 0,50, c'est fort comme corrélation. Et c'était même plus fort avant. Ça veut dire, c'était 0,57 il y a 2-3 ans. Ça veut dire qu'il y a une relative autonomisation de la dimension anti-islam. Alors, l'autre... Donc, il y a bien une corrélation, ça ne se recoupe pas complètement, mais c'est corrélé. Et surtout, ce sont les mêmes profils socioculturels qui croient à ces préjugés, que ce soit l'ethnocentrisme ou que ce soit l'islamophobie. Alors, laissons de côté les femmes pour l'instant, mais en tout cas, les variables clés, c'est le diplôme et l'orientation politique. Plus on a fait des études, moins on aura tendance à dire qu'on pense. Ces différents items, qu'on approuve ces différents items. Alors, un débat se pose, est-ce que une opinion, est-ce qu'on est franc avec la personne qui vous interroge dans le sondage? Ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, vous voyez que, quelle que soit l'année, plus on est jeune, qu'il s'agisse de l'ethnocentrisme, les deux premières colonnes, ou de l'aversion à l'islam, les deux dernières colonnes, enfin, disons, plus on est âgé, plus on est ethnocentrique et hostile à l'islam. Moins on a fait des études, plus on est islamophobe et ethnocentrique. Vous voyez qu'on passe de 32 à 62 sur l'ethnocentrisme quand on voit des gens qui ont un diplôme du supérieur à ceux qui n'en ont aucun et qui n'ont pas dépassé le niveau du certificat d'études primaires. Simplement, les écarts sont toujours plus marqués sur l'ethnocentrisme que sur l'islamophobie. Et surtout, ce qui marche le mieux, c'est le positionnement gauche-droite. Vous voyez qu'on passe sur l'ethnocentrisme de 23 à 80 et sur l'islamophobie de 43 à 77. Mais ce que vous voyez également, c'est que les écarts sont toujours un peu plus marqués sur l'ethnocentrisme que sur l'islamophobie. Enfin, ce qui ne marche que depuis 2006, depuis l'épisode des caricatures de Mahomet, c'est une crispation des catholiques pratiquants réguliers contre les immigrés et contre l'islam. Avant, dans nos modèles, le fait d'être catholique pratiquant n'avait aucun impact sur l'ethnocentrisme, sur les préjugés. Depuis 2006, oui. Et on voit très clairement que plus on est catholique et pratiquant, si on passe des 100 religions non pratiquants, occasionnels ou pratiquants réguliers, plus on se rapproche du pôle d'intégration à la communauté catholique, plus on a des préjugés contre les immigrés et contre les musulmans. Et ça, c'est une nouveauté depuis 2006. Mais donc, on a une grande similitude quand même entre ces préjugés. Mais, j'ai cafouillé quelque part dans les deux machins, mais bon, il y a une minorité de personnes qui ne sont pas ethnocentristes, mais qui sont islamophobes et qui ont un profil distinct. Généralement, globalement, ceux qui n'aiment pas les juifs n'aiment pas non plus les musulmans, n'aiment pas non plus les roms, n'aiment personne. Mais on a un groupe qui a tendance, et généralement dans notre échantillon, près des trois quarts, ils ont soit des notes basses sur les deux échelles, soit des notes élevées sur les deux échelles, ils sont logiques. Mais on a un groupe d'ethnocentristes sans aversion à l'islam, mais on trouve beaucoup de personnes issues de l'immigration qui ont d'autres têtes, d'autres boucs émissaires, mais pas nécessairement l'islam, parce que chacun, chaque minorité, même si elle est victime des préjugés, a des préjugés contre d'autres minorités. Et surtout, le groupe qui nous intéresse, qui est en baisse, mais qui a été jusqu'à 24% à un moment, qui maintenant est à 18% de non-ethnocentristes, des personnes qui, sur toutes nos échelles de préjugés, ont des notes très basses, qui ne sont pas autoritaires, sur notre échelle d'autoritarisme, pas du tout d'autoritarisme. Sur l'échelle d'antiracisme, des notes très élevées, mais anti-islam, anti-pratique de l'islam, et surtout contre ces pratiques qui s'exercent dans l'espace public. Et enfin, leur profil est un peu différent, parce qu'ils sont un peu plus diplômés que la moyenne de l'échantillon, et pas à droite. Ils sont plutôt au centre, centre-gauche. Autrement dit, il y a un petit groupe de ce qu'on pourrait appeler des islamophobes purs, entre guillemets, sans être ethnocentristes. Mais pour l'écrasante majorité, tous ces préjugés vont ensemble. Mais donc, il y a quand même une autonomie relative. Je vais laisser passer ça. Alors, maintenant, les évolutions. Alors là aussi, il y a tout un tas de débats avec l'idée que le racisme évolue. Le racisme, l'ethnocentrisme, les préjugés évoluent. Il y a des choses qu'on pouvait dire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'on ne dit plus aujourd'hui. Il y a un certain respect des minorités, des autres. Il y a des mots, des étiquettes qui ne passent plus la route. Et il y a l'idée qu'on a évolué vers des formes plus acceptables en démocratie, moins directes. Aux États-Unis, ça commence avec tout un tas de travaux, ce qu'on a appelé le racisme symbolique, sur les attitudes à l'égard des Africains-Américains. On ne pose plus d'ailleurs même les questions autour de leur prétendue infériorité physique ou morale, mais on dit non, mais ils ne respectent pas les valeurs de l'Amérique. Donc c'est le racisme symbolique. Ils sont différents par leurs valeurs. S'ils ont un taux de chômage plus élevé, c'est de leur faute. C'est parce qu'ils ne respectent pas ces valeurs d'éthique, du travail et de l'effort, qui sont les valeurs américaines. Aux Pays-Bas, le terme a été celui de racisme voilé. Bon, c'était avant les débats sur le voile. Disons racisme déguisé, ça serait peut-être mieux. Et il montre que ces personnes-là, les racistes voilés, comme ils disent, bon, elles ne répondent pas, elles ne donnent pas la réponse ethnocentrique aux questions classiques, mais elles expriment moins de sympathie pour les minorités et elles ont tendance à exagérer les différences. Donc, c'est une autre manière de dire, ils ne se pensent pas racistes, ils ne se considèrent pas racistes, mais il y a quand même une différence. Bon, il y a eu Taguieff des débuts, avant les travaux sur la judéophobie, on pouvait encore le lire, racisme différentialiste par rapport au racisme biologique. Il montre que progressivement, on est passé de ce racisme postulant des différences génétiques, un racisme racialiste, un racisme à base culturelle. Et on est en plein dans les débats qui vont éclater autour de la nouvelle judéophobie, avec l'idée de Taguieff qu'il y a toujours de l'antisémitisme, simplement il se cache derrière la critique d'Israël et la défense du peuple palestinien. Et une nouvelle islamophobie, Vincent Guesser répondant à Taguieff, pour dire c'est exactement pareil avec l'islam. Il y a des gens qui vous disent moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout de préjugés, mais quand même l'islam est incompatible avec les valeurs, etc. Dans les deux cas, il y a l'idée que c'est du racisme masqué derrière soit l'antisionisme, soit l'islamophobie pour le coup. Et du coup, est-ce qu'il y a recul du racisme ou transformation? Il y a la version optimiste qui nous dit quand même, dans la plupart des sociétés industrielles avancées, depuis la guerre, il y a le développement de ce que le sociologue Engelhardt appelle les valeurs post-matérialistes, fondées sur l'épanouissement de soi, sur le respect des droits, l'anti-autoritarisme, des valeurs permissives. Donc, le renouvellement générationnel, à terme, tendrait vers plus de tolérance dans la plupart des sociétés. Il y a la version pessimiste qui dit, ben non, l'ethnocentrisme ou racisme, comme vous voulez l'appeler, il est toujours là. Il a simplement des habits neufs, mais il est toujours là. Et certains, enfin, en sciences politiques, insistent sur le fait que c'est plus que jamais là à cause de la montée de ces droites dites radicales, populistes, extrémistes, en Europe en particulier, qui ont mis au cœur de leur doctrine le rejet des autres, mais surtout de l'islam. Il y a un tournant culturel depuis quelques années qui a commencé aux Pays-Bas, à l'époque de Pim Fortuyn, avec l'idée que nous, on est tolérants, c'est eux qui ne respectent pas nos valeurs. L'islam est incompatible avec les valeurs de la démocratie. En France, c'est au nom de la laïcité. Dans les pays nordiques, c'était beaucoup au niveau du droit des femmes et des homosexuels. Donc, voilà le débat. Alors, en fait, les partis d'extrême droite en Europe, ils n'ont pas attendu Pim Fortuyn et les années 2000 pour mettre l'islam au cœur comme cible privilégiée. Si vous prenez le Parti du Progrès norvégien, ou la première affaire du voile en France, mais c'est à la fin des années 80 déjà. Il crée Carl Hagen, était à l'époque le leader de ce Parti du Progrès, qui était un parti d'extrême droite, et il avait sorti de sa poche une lettre bidon qu'il avait fabriquée lui-même, qui était la lettre de Mustafa. Et il y avait de tous les thèmes qu'on trouve aujourd'hui. L'idée que les mosquées vont bientôt être plus hautes que nos temples et que nos églises, et nous allons faire plus d'enfants. Tous les thèmes sont déjà là. Quant à Marie-France Tirbois, au municipal de 89, elle fait campagne sur le thème « Non au tchador à l'école », qui est quand même très joli, on confondre un tchador avec un voile, « Non aux mosquées ». Donc, c'est déjà là. Mais ce n'est pas au cœur. Le tournant culturel est plus récent. Et ça s'est renforcé après le 11 septembre. Et du coup, on voit apparaître en Europe des droites qui n'ont pas la tradition d'extrême droite fasciste d'un parti comme le Front National, qui sont des droites dures, qui ont en commun d'être anti-immigrés et anti-islam. Pim Fortuyn n'était pas un fasciste. Ce n'était pas un parti d'extrême droite, c'était plus complexe. C'était un sociologue homosexuel militant. Il disait simplement, l'islam, ça suffit. Et là, on voit vraiment un tournant à partir de ce moment-là. Geert Wilders, ça va jusqu'à la caricature avec son film Fitna. Et Marine Le Pen est en train de suivre cette voie. Pourquoi ? Parce que cette manière de présenter les choses les rend plus compatibles avec la démocratie. Ils disent, nous défendons les valeurs de la démocratie contre l'islam qui les menace. Donc, ils ont tout à gagner à ce tournant culturel. Et le plus beau, c'est le tout nouveau venu, le parti des démocrates suédois, où là, ils accrochent tous ces thèmes. C'est un clip qui est interdit, bien sûr, dans lequel vous avez des femmes en burqa, qui sont en train de courir derrière une petite dame retraitée qui essaie de s'approcher du guichet de la sécu. Et tout est dans cette image. Ça dure une minute et demie. Mais tous les thèmes y sont. Islam, welfare, danger. Bon, et c'est leur... C'est extraordinaire comme ils arrivent à faire coller ensemble des choses qui, a priori, n'ont strictement rien de commun. Mais c'est dans ce nouveau trend du tournant culturel. La menace, c'est l'islam, même pour la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que nous donnent les données de la CNCDH ? Eh bien, effectivement, oui, il y a un recul du racisme dit biologique. Là, il y a une question qui est posée. Est-ce qu'on leur demande de dire s'ils sont d'accord avec l'idée qu'il y a des races supérieures à d'autres ? Vous voyez que ça décroît, même si ça a remonté un tout petit peu ces derniers temps. Et même l'idée de poser des questions sur les races ne se fait quasiment plus. Il y a l'idée... Ce racisme-là, biologique, génétique, ça descend de plus en plus. Bon. Ensuite, Vincent Tibéry, avec qui on travaille depuis longtemps, il a essayé de faire un baromètre en disant une question, ça ne veut rien dire. Il faut prendre l'ensemble des questions qui ont été posées au moins deux fois et regarder s'il y a une logique, ce qu'on appelle un mood, une humeur ethnocentrique. Et il a pris tous les sondages depuis 1990. Et il regarde simplement, en excluant les 100 réponses, la proportion de réponses tolérantes dans l'échantillon. Comme il est optimiste, il a pris un indice de tolérance et non pas un indice d'intolérance. Il est même mieux que ça monte. Et ça lui donne une note globale de tolérance pour l'année considérée, qui est un peu une moyenne lissée sur l'ensemble des indicateurs. Et ça vous donne cette gueule-là. Vous voyez que dans les années 90, 57, 52, et on arrive en 2009 à presque 69 sur 100. C'est un indice de tolérance qui varie entre 0 et 100. Et vous voyez que, en fait, il y a des allers-retours. Vous voyez que, par exemple, après les émeutes de 2005, il y a une chute de la tolérance. Il y a des tas de moments. Vous pouvez retrouver les matchs de foot, vous pouvez retrouver tout un tas d'événements qui font bouger. C'est des opinions, c'est fluide. Mais la tendance, au moins jusqu'en 2009, elle a une montée de la tolérance, malgré les rechutes saisonnières. Depuis 2009, il y a un recul continu, et je peux vous dire que les données qu'on vient d'avoir pour cette année nous montrent que le recul continue. C'est la première fois qu'on a un recul de la tolérance sur 4 années consécutives. Il se passe vraiment quelque chose. 2009 a été le pic de la tolérance, et à partir de là, on n'est bien sûr pas encore revenu au niveau de 1991, mais on a une chute. Et pourquoi est-ce que... Ce qui est intéressant, c'est que d'autres sondages, posant d'autres questions, parce que vous pouvez vous dire, au fond, ce sondage de la CNCDH, il y a 25 minutes de questions, elles portent toutes sur les préjugés à l'égard de la minorité. Au bout de 3 minutes, les gens, ils en ont ras-le-bol, ils vous répondent toujours la même chose. La Sofres faisait sur le Front National. Donc, il y avait juste quelques questions. Il y a trop d'immigrés en France, on accorde trop de droits à l'islam et aux musulmans. Et ce n'était pas la même périodicité. C'est des enquêtes menées en janvier 2010, janvier 2011. Qu'est-ce qui se passe? On constate le même tournant. Janvier 2010-2011, on voit que tous nos indicateurs d'intolérance augmentent. Donc d'autres sondages, avec d'autres questions, nous montrent qu'il est en train de se passer quelque chose depuis 2009-2010, depuis le pic de tolérance de 2009. Mais surtout, si on reprend cet indicateur de tolérance en regroupant les questions en fonction de leur cible, de la minorité visée. En haut, en violet, tout en haut, là, vous avez l'image des Juifs. C'est l'ensemble des questions portant sur les Juifs, la religion, la citoyenneté, etc. Vous voyez qu'il y a une hiérarchie entre les groupes. Ceux qui sont le plus acceptés, c'est tout en haut, là, les Juifs, et très proche, les Africains, Américains, Noirs, Afrique subsaharienne. Et vous voyez que ça bouge relativement peu. Ça descend un peu, mais peu. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont les préjugés à l'égard des Maghrébins, la tolérance à l'égard des Maghrébins qui chute, et surtout à l'égard de l'islam. Et là, il y a véritablement une spécificité des préjugés à l'égard de l'islam. En fait, ce qui fait bouger le baromètre, c'est ça. C'est Maghrébin, mais ça renvoie aussi à l'histoire coloniale française, avec la place des Maghrébins dans cette histoire, donc pour la majorité d'entre eux, des musulmans. Mais on voit clairement que si les choses bougent, c'est à ce niveau-là. Il y a un rejet très ciblé, il y a une polarisation anti-islam depuis quelques années, et malheureusement, cette année, elle continue. Là, je m'arrête en 2012, mais ça ne s'est pas arrêté. Et enfin, si on regarde le niveau sur notre indicateur de tolérance en fonction du positionnement politique de la personne interrogée. En rouge, vous avez la gauche, en jaune, le centre, en bleu, la droite. Eh bien, qu'est-ce qui bouge? Les premiers chez qui la tolérance dégringole, c'est ceux qui se situent à droite sur une échelle gauche-droite. L'année d'après, c'est ceux qui se situent au centre, ni à gauche ni à droite. Et pour l'instant, la gauche résiste, même cette année. Mais ça baisse un petit peu quand même. Mais on voit clairement que ce qui bouge, ça se passe au niveau des personnes de droite et d'extrême droite. Et si on le fait avec la proximité partisane, ben, sans surprise, vous allez trouver le Front National. Mais on va trouver aussi une porosité de plus en plus grande entre les opinions des proches de l'UMP et ceux du Front National. Donc, 3 ans de baisse, en fait 4, Surtout, oui. Est-ce que cette année, enfin vous avez peut-être déjà les chiffres de cette année, est-ce que cette année ça varie aussi de manière significative au niveau du PS je pense notamment à la mise en avant de Manuel Valls qui a aussi... Oui, mais c'était, n'oubliez pas que le sondage a été fait avant. Il a été fait, donc, et je n'ai pas encore les tri avec le PS, mais j'ai un peu peur. Pour l'instant, je discutais justement avec Guy Michelin avant de venir. Lui, il trouvait que la gauche résistait encore. Il y a quelques beaux restes à gauche, pourvu que ça dure. Mais par proximité partisane précise, je n'ai pas encore les chiffres. On est en plein en train de travailler dedans. On a reçu les données en décembre. Il a été sur le terrain en novembre. Mais il se pourrait bien que ça craque aussi du côté de la gauche. Alors, pourquoi ce tournant? Bon, on va revenir. Si je veux m'arrêter à 5 heures, je vais essayer d'aller un peu plus vite. À 4 heures. À 4 heures. Alors, je peux dépasser un peu. Non, d'accord. Un beau lapsus. Alors, pourquoi ce tournant? Est-ce que c'est la crise économique? Pourquoi 2009? Alors, pourquoi est-ce qu'on atteint un record de tolérance en 2009 alors que la crise commence en 2008? Peut-être parce qu'il faut du temps pour intérioriser la crise, mais manifestement, ça ne suffit pas. En revanche, on sent qu'il y a eu les peurs suscitées par le printemps arabe, et pas simplement les peurs, la manière dont ça a été cadré par un certain nombre de partis, à droite et à l'extrême droite. Je pense à Marine Le Pen sur l'île de Lampedusa, disant « Ah, c'est très bien, ils veulent faire la révolution, la démocratie, c'est excellent, mais un, il va y avoir des vagues d'immigrés qu'on ne pourra pas accueillir, et deux, ils vont dans leur bagage faire monter les islamistes. » Donc, il y a un cadrage des printemps arabes qui va jouer un rôle très net, et on voit bien que ça bouge après décembre 2010. Il se passe quelque chose là. Et il y a bien sûr là-dedans le rôle du FN, la dynamique Marine Le Pen, qui en rajoute à chaque fois. C'est en 2010 qu'elle parle, en novembre 2010, les prières comparées à l'occupation de rue sans blindés, sans chars. Et aussi la droite. Et là, on sent qu'il se passe quelque chose en juillet 2010, sous la présidence Sarkozy, quand, en envisageant les élections, l'élection présidentielle à venir, il se lance dans une surenchère avec le Front National, en refocalisant sur l'identité nationale et l'islam. Et le discours de Grenoble en juillet 2010 marque véritablement un tournant, légitimant en fait le discours du Front National. Donc il y a une responsabilité des élites, qui est très claire, parce que l'exemple vient d'en haut, et c'est ce qui se dit en haut, illégitime. Et on a le sentiment d'un grand silence à gauche. On a le sentiment que la droite et l'extrême droite parlent beaucoup plus que la gauche dans ce domaine. C'est peut-être différent en ce moment, mais c'est encore un autre débat. Et j'arrive à la troisième partie, l'ethnocentrisme, islamophobie et vote. Alors là aussi, il y a plein de débats. Le premier débat, c'est attention, attitude, c'est pas des comportements. Ce n'est pas parce qu'on est ethnocentriste, qu'on a des scores très élevés sur l'échelle d'ethnocentrisme, qu'on va nécessairement, au moment du vote, choisir de voter pour le parti ethnocentriste et anti-immigré par excellence, qu'est le Front National. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque comportement a sa logique, de même que les actes islamophobes ou antisémites ou xénophobes n'ont pas la même logique, n'obéissent pas à la même logique que les opinions. Le vote, c'est encore plus différent, parce que le comportement électoral a sa logique propre. Alors, il y a plein de travaux de psychosociologues assez intéressants qui disent ce que vous recueillez avec des sondages, c'est des prédispositions, c'est un potentiel, c'est une manière de répondre, une certaine logique. Mais ça ne veut pas du tout dire que ça va se traduire dans les comportements. Il y a les travaux de Feldman sur il faut qu'il y ait une menace. Donc, le contexte de 2010, justement, peut être assez menaçant. Il y a les travaux de Zaller et Kelstedt qui nous disent, en fait, dans les sondages, les gens sont très souvent ambivalents. Ça va très vite, un sondage. Ils hésitent entre les deux réponses. Et puis, en fonction du film qu'ils ont vu la veille, des questions qui ont été posées avant, de la manière dont l'interaction se passe avec l'enquêteur, de la manière dont ils ont été influencés par telle ou telle personne ou telle chose, ils vont choisir de pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, on trouve une logique quand même. Hein, mais c'est vrai qu'il faut faire attention au sondage. Et il faut tenir compte surtout des facteurs explicatifs du vote proprement dit. C'est-à-dire quels sont les candidats en présence. Quels sont les enjeux de la campagne? Quel type de campagne a été menée? Et en fait, on s'aperçoit que l'ethnocentrisme est une chose, mais choisir sur une liste de problèmes l'immigration comme étant le problème le plus important, vous avez beaucoup moins de gens. Au moment de voter, il y a des tas d'autres choses qui, même pour les plus ethnocentristes ou les plus islamophobes, peuvent être beaucoup plus importantes. Ça peut être le chômage, ça peut être la défense de l'environnement, ça peut être les droits des femmes. L'important, c'est quel est le problème qui, au moment de voter, me semble important. Donc, on ne peut pas confondre attitude et comportement ethnocentrique. Enfin, il y a tout un débat sur l'idée que, dans les sociétés industrielles avancées, les enjeux culturels et identitaires sont en train de prendre de plus en plus d'importance. Pourquoi ? Parce que les clivages de classe classiques ont reculé, parce que la classe ouvrière a diminué, parce que la classe ouvrière a changé, parce que les parties de la classe ouvrière ont évolué. Mais en tout cas, il y a l'idée qu'aujourd'hui, ce sont sur des enjeux culturels et identitaires qu'on vote beaucoup plus que sur les enjeux économiques qui étaient à la base du vote de classe, la défense des intérêts des ouvriers contre les patrons. Donc c'est lié à la transformation de la structure de classe. Donc tout cela irait vers l'idée que islamophobie et ethnocentrisme auraient un poids croissant sur les votes. Et enfin, les travaux spécifiques sur les droites extrêmes, des travaux comparatifs comme Daniel Hoesch ou Bonchier Criesi, vont dans le même sens. Ils nous disent tous que les enjeux identitaires comptent plus que la peur que les immigrés nous prennent notre boulot, par exemple, que les enjeux économiques sont passés au second plan. Et Bonchier et Criesi parlent des perdants culturels de la mondialisation, avec l'idée que ce que l'on retient de la mondialisation, ce n'est pas simplement qu'il n'y aura plus de frontières et qu'il y a la concurrence économique des autres, il y a l'idée que ça remet en cause l'identité nationale. Donc il y a plein de travaux là-dessus. Est-ce que c'est vrai ? Quand on travaille avec des données de sondage spécifiques à la France, pas des grandes enquêtes comparatives un peu superficielles. Déjà, si on se place un an avant l'élection présidentielle de 2012, il y avait un sondage TNS Sofres qui permettait de voir l'accord avec les idées du FN en fonction d'un score sur une échelle d'ethnocentrisme autoritaire. Peine de mort, trop d'immigrés. On n'est plus chez soi comme avant en France. Vous voyez clairement que plus on a un score élevé sur l'échelle d'ethnocentrisme et autoritaire, plus l'adhésion aux idées du Front National monte. On passe de 1% à 66-67%. Donc, il y a un lien très clair entre ethnocentrisme et vote FN. Ça, c'est indéniable. Et c'est encore plus joli si on le fait sur les votes proprement dit. Enfin, plus joli, c'est différent. On voit en bas, là c'était un indicateur d'ethnocentrisme, il y avait des questions, trop d'immigrés, plus chez soi comme avant, image négative de l'islam, refus du droit de vote aux étrangers, et les immigrés prennent nos boulots. Et c'est un indicateur qui varie de 0 à 5 selon le niveau d'ethnocentrisme. Qu'est-ce qu'on voit ? Que le vote de gauche, il dégringole de 84 à 16% quand on passe des pas du tout ethnocentristes au très ethnocentriste. Que le vote pour la droite non extrême, il stagne ici, quelque part au milieu, chez ceux qui ont des notes moyennes, moyennes fortes. Et que le vote pour Marine Le Pen, dans ce premier tour présidentiel 2012, il augmente jusqu'à 42%, c'est quand même beaucoup, chez les plus ethnocentristes. Donc on a un lien très marqué, surtout entre vote Le Pen et vote de gauche. Il y a une polarisation sur ces enjeux ethnocentristes. Alors maintenant, est-ce que ça marche s'il n'y a que l'islam ? Si on prend juste la question, il y avait une question, diriez-vous, voilà une liste de mots, il y avait plein de mots, et parmi eux, il y avait islam. Vous auriez de ces différents mots, de termes, une image très positive, plutôt positive, pas du tout positive. Et là, je voudrais que vous regardiez les pourcentages dans les deux sens. Là, ça se lit en ligne, c'est-à-dire si vous avez voté pour la gauche au premier tour 2012, combien ont une image très positive de l'islam, assez positive, assez négative ou très négative. Et en bas, c'est le total. Vous voyez que dans l'ensemble de l'échantillon, il y en a 20% qui ont une image très ou assez positive de l'islam en France en 2012. Mais il y a un fort taux de sans-réponse, énorme dans l'enquête. 16. Donc il y a un malaise avec l'islam et qui atteint 19% les sans-réponse chez ceux qui ont voté pour des candidats de gauche au premier tour. Mais vous voyez que les électeurs et les électrices de Marine Le Pen, c'est eux qui battent tous les records. Chez eux, vous voyez que ceux qui trouvent que que l'islam, ça a une connotation positive, il y en a 6%. Autrement dit, la quasi-totalité des électeurs de Marine Le Pen en 2012 peuvent être qualifiés d'islamophobes, comme ils peuvent être qualifiés d'ethnocentristes. Vous me direz que ce n'est pas un scoop, mais enfin, encore faut-il le montrer, et je ne pensais pas que c'était 94. Donc là, dans ce sens-là, c'est très clair et c'est très net. Il y a beaucoup... Et presque la moitié des électeurs de gauche. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est presque la moitié, mais quand même pas la moitié. Tandis qu'à droite, vous remarquerez que c'est les trois quarts. Ouais. Autrement dit, c'est intéressant de voir les chiffres dans ce sens. Maintenant, on va les regarder dans l'autre sens. En quoi est-ce que le fait d'avoir une image positive ou négative de l'islam implique qu'on va voter à gauche, à droite ou pour Marine Le Pen? Là, ça se lit de bas en haut. Vous voyez que quand on a une image très positive de l'islam, eh ben, on vote en majorité à gauche, 77,5. Et Le Pen, zéro. C'est très rare dans un sondage quand on a zéro personne dans une case. Là, il y en a zéro. Il y en a 6%. Là, quand c'est assez positif. Et vous voyez que chez ceux qui ont une attitude très négative de l'islam, il y en a un tiers qui votent Marine Le Pen. C'est pas aussi haut que quand on prend l'ensemble de l'ethnocentrisme, mais c'est quand même assez joli. Mais qu'est-ce que ça nous dit quand même? Qu'il y a beaucoup plus d'islamophobes et d'ethnocentriques que d'électeurs Marine Le Pen. Même là, chez les très, très négatifs ou chez les très ethnocentristes, on ne dépasse pas 33 ou 42%. Donc, il y a une relation, mais il ne faut pas les confondre non plus. Voilà ce que ça nous dit. Enfin, il est impossible de distinguer un impact spécifique de l'islamophobie, tellement ces indicateurs sont corrélés entre eux quand on essaie de dépatouiller leur impact respectif sur le vote pour Marine Le Pen. Et en fait, la notion « il y a trop d'immigrés en France » résume toutes les menaces. « Il y a trop d'immigrés », c'est « ils sont trop nombreux, ils prennent notre boulot, ils viennent pour profiter de la sécurité sociale, ils veulent maintenant voter », donc menaces politiques, menaces socio-économiques et menaces identitaires. Et ils menacent la culture et l'identité française. Et c'est extraordinairement, c'est la force de ce thème, le mot « immigré » dans l'imaginaire collectif français aujourd'hui, c'est tout ça en même temps. Et on ne peut pas séparer l'impact de l'aversion à l'islam. Tous ces argumentaires se rejoignent. Alors, les limites de l'exercice. On l'a dit en commençant, les opinions ne sont pas les comportements. Et donc, ça vaudrait la peine de compléter par une analyse spécifique des actes islamophobes, ceux qui sont recensés, parce qu'il y en a beaucoup plus qui ne le sont pas, puisque les données sur lesquelles on s'appuie sont des statistiques policières qui sont bien en dessous de la réalité, sans parler des discriminations quotidiennes au jour le jour, au niveau du logement, de l'école. Donc, les opinions, c'est une chose. Mais ce qui est important dans les opinions, c'est que ça nous trace la limite entre le permis et l'interdit. Ça nous montre ce qui est légitime ou accepté dans une société à un moment donné. Donc, c'est très important de connaître les opinions, même si ça ne nous dit pas tout. Vous connaissez l'enquête célèbre de l'Américain, la Pierre, aux États-Unis, qui faisait une enquête sur le racisme à l'égard des Chinois. Il est parti se promener à travers tous les États-Unis avec un couple de Chinois. Ils ont été accueillis dans tous les restaurants et dans tous les hôtels, sauf deux. Et en rentrant chez lui, il écrit un questionnaire pour tous les hôtels et restaurants, en leur demandant s'ils accepteraient un couple de Chinois. Et là, 95% des hôteliers et des restaurateurs lui disent non. Autrement dit, la logique des comportements face à face n'a pas grand-chose à voir avec la logique des opinions et des préjugés, c'est compliqué. Mais quand même, si on travaille sur les opinions, ça nous donne une idée de ce qui est légitime dans une société à un moment donné. Mais vous le savez que les actes en 2012 ont extraordinairement augmenté pour deux années consécutives. Et là, sans doute, je n'ai pas les chiffres pour cette année, mais je pense que ça continue. Ensuite, il y a les limites des sondages. Et tout le monde en est conscient. Un sondage, ça dépend de la question posée. Ça dépend de la manière dont la question est comprise. Trois personnes différentes vont interpréter complètement différemment la question. Ça dépend du contexte aussi. Le même sondage, la même question posée à trois jours d'intervalle va nous donner des résultats complètement différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette polarisation anti-islam, elle est confirmée par d'autres sources. Il y avait eu une enquête qualitative à base d'entretien menée pour la CNCDH en 2012, et elle montre aussi la même polarisation anti-islam. Et nous, on a travaillé sur la précarité cette fois-ci. On a travaillé à la fois par sondage, mais aussi des observations participantes auprès de populations en très grande précarité. C'est-à-dire, on est passé par les associations, par la Croix-Rouge, le Secours islamique, les Petits Frères des Pauvres. Et on est allé interroger, parler, observer des personnes. Et même dans ce groupe, on trouve des polarisations anti-islam et des phénomènes d'ethnocentrisme. Donc on a le sentiment de vivre dans une société particulièrement fragmentée et dans laquelle il y a une fixation depuis quelques années sur l'islam. Il y a des manques aussi. Les Roms, les moins aimés et aussi peut-être les moins défendus, les moins organisés. Il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent pour défendre les Roms. Et on commence juste à avoir ces questions dans les sondages. Mais il y a un énorme travail à faire. On va les inclure dans le prochain baromètre. Et enfin, l'autre angle mort, c'est les préjugés interminorités. C'est beaucoup plus développé aux États-Unis et dans d'autres pays européens qu'ici. Mais ce n'est pas parce qu'on est soi-même victime du racisme qu'on n'a pas des préjugés, même si les préjugés sur lesquels on s'intéresse le plus, ceux de la majorité contre les minorités. Et donc voilà autant d'angles morts pour une autre fois. Avec toutes ces limites, eh bien, on peut répondre aux trois questions de départ. L'aversion à l'islam s'inscrit bien dans un syndrome ethnocentriste autoritaire, mais il y a une autonomie relative avec ce groupe à part des anti-islam non ethnocentristes, dans lesquels il y a des situations particulières. Ça peut être par le féminisme, ça peut être pour une vraie attachement à la laïcité, parce qu'aujourd'hui, il y a les faux laïcs qui sont en train de se développer à une vitesse grand V, notamment à droite chez les catholiques, des groupes qui n'étaient pas du tout attachés à la laïcité il y a 10 ans, et qui tout d'un coup développent un amour pour la laïcité suspect. Et enfin, il y a une vraie polarisation contre l'islam depuis le tournant 2009-2010. Là, il se passe vraiment quelque chose qui est nourri par le FN, mais encouragé par la classe politique et par la porosité croissante qu'il y a entre le FN et la droite de l'UMP, et demain peut-être la gauche. Non, ça c'est juste autre chose. Donc, voilà, on peut arrêter là.